On a demandé aux parents par lettre leur collaboration qui viennent reconduire les enfants à l'école. On parle de ceux qui prennent l'autobus, évidemment. Puis l'école demeure ouverte, puis pas juste ouverte, les cours se donnent, les écoles continuent comme à l'habitude.